Donc vous êtes branchés sur le 89.5 de Radio Duo, vous écoutez notre émission Courbob, le vieux monde est derrière toi. Je suis accompagnée de Cassandre et Delia, comme d'habitude, et on va parler d'un sujet qui touche tous les jeunes, la relation aux écrans. Avec les filles, on s'est posé différentes questions à propos de ce thème. Quel est l'impact des écrans dans la vie des jeunes? Est-ce que cet impact est négatif? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire face au problème d'addiction? Cette émission n'est bien sûr pas faite pour critiquer ou juger les jeunes, encore moins ceux qu'on a eu en interview, mais pour discuter plutôt de quelque chose qui nous touche tous. Peut-être que certains y trouveront des solutions, en tout cas, on l'espère. Et on espère aussi que vous y trouverez des conseils, de la motivation. Voilà, on commence tout de suite avec une chanson qu'a choisie Cassandre. Je la laisse nous la présenter. Alors, je vais vous présenter le morceau « You can't keep it from me forever » de Pete Doherty et son associé Frédéric Lowe. C'est une chanson qui a été écrite récemment, en 2022, et qui fait partie de leur album « The Fantasy Life of Poetry and Crime ». L'album est super, je les ai vus en concert l'année dernière et c'était vraiment génial. Peter Doherty est un ancien drogué pour le contexte et cette chanson mélodieuse et entêtante est inspirée par cette tentation éternelle qui le poursuit depuis toujours. On écoute tout de suite « You can't keep it from me forever » de Peter Doherty et Frédéric Lowe. Et bien après cet intermède musical très sympa, Cassandre, on va vous faire écouter les interviews des quatre personnes qui ont bien voulu nous parler de l'impact des écrans dans leur vie et ce qu'ils pensaient en général des écrans et de leur évolution dans notre société. On va donc écouter Elisa, Bob, Sylvie et Benjamin tout de suite. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Bob, j'ai 40 ans et j'enseigne diverses matières informatiques à l'université. Et donc, j'ai un public d'étudiants dans la tranche 18-24 ans au quotidien en face de moi. Et est-ce que vous trouvez que les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans en général ? Ben mon quotidien, en fait, se fait devant un écran. Si c'est pas celui de l'ordinateur, ça va être celui du vidéoprojecteur. Si c'est pas celui-là, ça va être l'écran de l'étudiant que je suis en train de dépanner, en train d'aider. Si je me mets à la place de l'étudiant, ben un peu le même discours. S'ils n'ont pas un travail à réaliser sur leur ordinateur, ça va être pour écouter un cours, en général vidéo projetée sur un très grand écran. Donc c'est compliqué pour moi de répondre à cette question. S'il n'y avait pas l'écran du téléphone, je répondrais non à cette question. Est-ce que vous trouvez que les jeunes sont de plus en plus addicts aux écrans, et donc en particulier le téléphone, du coup, puisque pour le coup, les ordinateurs, ça fait un peu partie du quotidien? Plutôt oui. Et donc, en effet, je pense à l'écran du téléphone dans mes propos. J'imagine plusieurs profils de jeunes pour ce temps passé sur les écrans. Et sans que ça soit limitatif, bien sûr. Enfin, il y a déjà un gros profil réseaux sociaux, un profil réseaux sociaux à outrance, avec le jeune qui va jongler entre Insta, TikTok, Facebook et leur futur remplaçant, ou juste enchaîner des vidéos. Je pense au profil plutôt culturel, avec le jeune qui va se poser au calme pour lire un livre, une BD, un manga sur son téléphone, écouter un podcast. Je pense au profil actualité, avec le jeune qui regarde des vidéos d'actualité, donc. Ou des tutos bricolage, cuisine, ou plus programmation dans mon contexte, ou l'actualité généraliste aussi. Et puis aussi le profil jeu vidéo, par exemple, où l'étudiant va partir sur son téléphone au moindre temps mort. Alors il y a plein d'autres profils, évidemment, là je ne les ai pas trop en tête. Et puis il faut aussi, bien sûr, garder en tête encore que chacun est un peu tout à la fois, chacun se situe dans un peu toutes les catégories. Donc il faut bien sûr nuancer tout ça. Et comment les jeunes sont impactés par les écrans, et en particulier négativement? Alors, je pense qu'ils sont impactés d'une bien mauvaise manière. Je pense que c'est une tranche de population avec un cerveau encore très malléable, et donc une tranche de population parfaite pour expérimenter facilement toutes les théories de l'économie de l'attention, tous les mécanismes ancestraux de la récompense. Là, je pense aux histoires de micro-décharges, de dopamine et autres hormones, de la récompense justement et du plaisir, et leurs mécanismes d'addiction, comme n'importe quelle hormone ou comme n'importe quelle drogue. De manière plus directe, je constate de nombreux troubles de l'attention. Rares sont ceux, dans mon public en tout cas, qui peuvent se concentrer sur un exercice pendant plus de 5 minutes, ou même juste suivre une simple discussion pendant un repas, ou juste autour d'un café. Par contre, quelque chose que je trouve intéressant, qui existe un peu dans l'actualité depuis peu de temps, c'est ce papillonnage incessant du cerveau, qui pourrait peut-être être un bénéfice, celui de pouvoir changer de tâche extrêmement facilement chaque minute. Alors ça impacte énormément à la qualité du travail, et donc cette qualité diminue drastiquement. Par contre, de l'autre côté, je trouve que ça fait une sorte de capacité à gérer de la micro-tâche. C'est peut-être quelque chose de positif, parmi d'autres choses encore inconnues ou non décelées, par exemple. Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour limiter cette addiction, enfin les côtés négatifs? Je pense à l'éducation de tous ces jeunes, justement, mais aussi de ses parents qui ont grandi avec un téléphone à la main. Je pense qu'il faut faire comprendre qu'il est possible de vivre plusieurs heures sans regarder un écran. Un exemple un peu mal choisi, mais au cinéma, donc devant un grand écran. Il n'est pas rare encore de voir un téléphone s'allumer pendant le film pour vérifier si quelque chose d'important est arrivé, si quelque chose d'important a été raté. Dans mon contexte éducation, j'imagine, donc dans le qu'est-ce qu'on peut faire, dans mon contexte éducation, j'imagine un mur de pochettes à téléphone à l'entrée de chaque classe. Ce serait plus simple que de vouloir chercher à négocier avec chaque étudiant et lui demander pose ton téléphone et concentre-toi sur ce que je raconte. Et est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Je pense que l'histoire se répète. Les journaux papier avaient été critiqués. Plus personne ne se parlait aux arrêts de bus. Voilà, il y a plein de photos comme ça qui peuvent être retrouvées sur Internet. Puis finalement, tout s'est plutôt bien passé, les gens lisaient les actualités qui les intéressaient. Quelques temps plus tard, le téléphone est arrivé et les gens disaient que plus personne ne voyait personne. Et puis plus tard, Internet est arrivé partout, les box sont arrivées, les forfaits mobiles sont arrivés, le tout illimité est arrivé. Et le constat est devenu que ben, chacun baisse la tête pour regarder son téléphone pour être au courant de je ne sais quelle actualité. Très souvent, les nouveaux vieux sortaient la phrase traditionnelle « c'était mieux avant bon. ». Dans quelques années, bah, les lunettes avec écran intégré seront un peu partout, les actuels jeunes qui seront les futurs vieux diront probablement que c'était mieux avec des téléphones, et plus tard encore, bah, les lentilles de contact avec écran intégré seront un peu partout, et les vieux suivants considéreront que c'était mieux avec des lunettes avec écran intégré. Alors j'ai pas l'imagination pour la suite, mais bon, je pense que ce sera encore un autre recommencement. Donc il y aura toujours une histoire d'écran d'une quelconque manière, ou d'exposition à des informations souhaitées idéalement et énormément non souhaitées, et ça c'est malheureusement comme ça. Et l'histoire se répétera. Merci Bob. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, du coup je m'appelle Elisa, j'ai 17 ans et je suis en classe de terminale au lycée Claude Fourier. Est-ce que tu trouves que tu passes trop de temps sur les écrans ? Oui, je pense que les écrans c'est vraiment chronophage et on passe beaucoup de temps parce que les algorithmes sont faits de telle sorte à ce qu'on devienne un peu addict à ça et qu'on ait un shot de dopamine à chaque fois, et du coup c'est de la drogue un peu. Et du coup, bah, le cerveau des jeunes, je pense qu'il est très réceptif à ça. Et du coup, on passe beaucoup de temps, du temps qu'on pourrait passer à faire autre chose, etc. Bah, du coup, justement, qu'est-ce que tu ne fais pas quand tu es sur un écran, donc le téléphone, la télé, l'ordinateur ? Je pense que je pourrais faire du sport en plus, des activités... des activités autres, en fait, sortir, voir des gens. Également, je pense que je pourrais réviser, tout simplement, faire bosser mes cours, etc. Et voilà. Sur quel écran tu passes le plus de temps ? Je dirais que c'est sur mon téléphone, parce que le téléphone, c'est vrai que c'est petit, c'est pratique, et on peut l'emporter un peu de partout. Donc voilà, je dirais que c'est sur mon téléphone. Et du coup, tu fais quoi le plus souvent sur ton téléphone ? Je dirais que je passe mon temps à scroller sur TikTok et à parler à mes potes. Voilà. Quels aspects de ta vie sont souvent impactés négativement par le temps que tu passes sur ton téléphone ? Je dirais mon humeur. Je pense que l'algorithme de TikTok, il est fait. Il nous connaît par cœur. Et il arrive à jouer sur notre humeur, sur notre santé mentale, etc. Quand on voit des choses... quand ça va pas très bien et qu'on like plein de choses qui sont dans notre mood, etc. Et que du coup, ça nous enferme dans ce mal-être potentiel, on va dire. Et voilà. Du coup, ça a plutôt un impact négatif. Oui et non. Après, on peut découvrir plein de choses, je pense, aussi sur notre téléphone. On a aussi un contact un peu avec d'autres gens qu'on pourrait pas voir. Dans la vraie vie, par exemple, et on a des chaînes un peu documentaires, scientifiques, etc., qui nous apprennent plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de passer tout notre temps sur notre téléphone ? Je sais qu'on peut mettre des temps d'écran, etc., et sinon, essayer de se motiver un petit peu plus à faire des activités autres que notre téléphone, parce que c'est vrai que le téléphone, c'est un peu la solution de facilité pour passer le temps quand on s'ennuie, etc. Donc ouais, temps d'écran et essayer de mettre des petits coups de pied aux fesses, quoi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je dirais que le téléphone, ça devient un fléau pour les gens qui sont... Enfin, les enfants, à partir de... Quand on le voit, à partir de 2, 3, 4 ans, ils sont déjà collés sur leur téléphone et tout. Je dirais que ça commence à vraiment être un fléau et on le ressent au niveau scolaire, etc. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire attention parce que... c'est une addiction qui commence de plus en plus jeune. Voilà. Merci. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Benjamin Lecogne et j'ai 15 ans. Bonjour Benjamin, quel est ton usage personnel des écrans ? J'ai un gros usage personnel des écrans. J'y passe en moyenne environ 3 heures, voire 4 heures par jour. Et c'est quoi tes principales activités dessus ? En général, c'est plus les réseaux sociaux. Mais après, je passe aussi un peu de temps sur les jeux vidéo. Et est-ce que tu trouves que tu passes trop de temps sur les écrans ? Ouais, après, moi, je le sais que je passe trop de temps à cause de mes parents qui me le répètent souvent. Et voilà. Si tu n'étais pas autant sur ton téléphone, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que je travaillerais plus. Je pense que je lirais plus aussi. Quels aspects de ta vie sont impactés négativement par le temps que tu passes sur ton téléphone ? Les devoirs, je pense. Quelle part ont tes parents sur la gestion de ton téléphone ? Après, ça dépend parce que mes parents, ils sont séparés. Mais les deux, en général, sont pas super stricts sur les écrans. Par exemple, chez ma mère, je peux dormir avec mon téléphone. Et chez mon père, je peux pas dormir avec mon téléphone. Est-ce que c'est une source de tension parfois ? Oui, de temps en temps, parce que quand on fait des bêtises, on est souvent privé des écrans et ça me plaît pas toujours. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 54 ans. Est-ce que vous trouvez que les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans ? Alors, tout dépend en fait ce qu'on appelle écran. C'est-à-dire que si c'est des écrans pour faire défiler des vidéos courtes et peu intéressantes avec un petit côté addictif, très certainement oui. Après, sur les écrans aussi, on peut faire tout un tas d'autres choses et à ce moment-là, c'est pas forcément négatif. Donc pour vous, ça peut ressembler à une forme d'addiction ? Ça peut être très addictif. Je pense qu'en fait, quand on est informé et qu'on est capable de s'en rendre compte, c'est mieux. Est-ce que pour vous, les jeunes sont plus impactés par les écrans que les autres générations ? Alors, pas du tout. Je pense que ces dernières années, c'est tout le monde qui est touché. Moi, j'ai même ma maman qui est plutôt âgée et qui commence à tomber dans une espèce d'addiction aux vidéos de chat, par exemple. Est-ce qu'il y a des apports positifs à l'utilisation des écrans par les jeunes ? Oui, tout ce qui va être ouverture culturelle, ouverture vers les autres, bien sûr que c'est positif, même si c'est la connaissance d'une culture qui peut être très lointaine géographiquement ou très lointaine historiquement. En fait, on a tout à portée de main, donc oui, il peut y avoir vraiment des choses positives. À partir du moment où on est sur de l'ouverture culturelle et pas forcément dans un piège tendu vers du consumérisme ou de la publicité. Je pense que dans le cadre de cet accès à l'écran, il faut être citoyen. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, ce serait de se dire, quand on est dans un rapport à l'écran, c'est est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose ou qui me permet de me faire avancer plutôt que quelque chose qui finalement au final m'apporte rien. Quel est votre rapport personnel aux écrans ? C'est de pire en pire, donc c'est pour ça que je pense que ça concerne toutes les générations. Je pense que pendant très longtemps j'ai résisté, je me suis trouvée en marge de ces débats. Et je m'aperçois que mon temps, par exemple, sur mon téléphone augmente, mon temps de lecture diminue. Il n'y a pas que les jeunes, quoi. Même à 54 ans, petit à petit, on est de plus en plus la tête dans les écrans. Vous travaillez dans l'éducation nationale. À votre connaissance, où en est-on de la réflexion dans ce domaine ? En fait, je pense que comme c'est porté par aucune discipline, à la fois tout le monde doit le faire et à la fois personne ne le fait. Donc je trouve que c'est ça qui est un petit peu problématique. C'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas dans les programmes quelque chose qui est suffisamment pris en charge par une discipline ou par toutes les disciplines. Donc au final, je pense qu'il y a plein de gens qui passent au travers de cette éducation aux médias. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des repères. Donc, pour les jeunes, c'est vrai que ça fait un peu peut-être vieux ce que je dis, mais je pense que c'est bien si les parents sont en capacité de savoir ce qui se passe dans le rapport aux écrans de leurs enfants. C'est-à-dire que l'éducation nationale, justement, l'école ne peut peut-être pas tout. Je pense qu'il faut aussi, à certains moments, que les parents s'en mêlent et puissent savoir quel est le rapport aux écrans de leurs enfants, ce qu'ils y font, ce qu'ils y voient, même si pour les jeunes, à certains moments, ça peut paraître un peu intrusif. Je pense que dans le sein de la famille aussi, il doit y avoir des discussions qui sont menées là-dessus. On remercie Sylvie, Bob, Benjamin et Elisa pour tout ce qu'ils nous ont dit. On va en parler un peu tout à l'heure de ce dont ils nous ont parlé, donc le rapport aux écrans, tout ça. Mais avant ça, j'avais envie de vous faire découvrir une musique que j'aime beaucoup en ce moment. Elle s'appelle Higher de Tom Grennan. Alors Tom Grennan, c'est qui ? Vous avez peut-être jamais entendu son nom. C'est un artiste britannique qui fait principalement de la pop. Ailleurs, c'est une musique que j'adore, qui est super good vibes. C'est vraiment parfait pour plein de situations quand vous faites du sport, quand vous avez un petit coup de mou. Elle est super entraînante, on a vraiment envie de danser. Donc voilà, je vous la passe tout de suite. On est toujours sur le 89.5 avec Radio Duo. On écoute Cours Bob, le vieux monde est derrière toi. Et tout de suite, on écoute Higher de Tom Grennan. I felt the bass. I felt you here before I even saw your face. Know it. Hey, the bubbles. It's your wave. Sugar coated. Triple glazed. Down there below, I see heaven miles away. Ain't scared of heights, no gravity in outer space. On another level. But I'm comfortable. Feeling out of body, you can take my soul. Light speed, energy, straight G-force. No blankets when you got hot sauce. That's fast. Never had it like that. So bad. No, I never go back. So fast. Even if it gon' crash, I'm gon' make it last. Merci beaucoup Sarah pour ta chanson. On est toujours sur le 89.5 sur Radio Audio. C'est Cassandre qui vous parle. On va maintenant vous partager notre inspect culturel du mois de novembre. Comme inspect culturel, j'ai choisi de vous parler du film The Apprentice, dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui est encore en salle. Il s'agit d'un biopic cinglant et cruel de Donald Trump. Ce film raconte donc une partie de la vie de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, notamment pendant son ascension dans le monde des affaires. Au-delà de retracer des moments clés de sa vie, le film nous montre une idéologie, une manière de penser, d'interagir avec les autres, de faire face aux échecs, qui est particulière et bien propre à lui. Le film est réussi et très intéressant, et je vous le recommande notamment pour mieux cerner Donald Trump et comprendre à quel point les enjeux des élections présidentielles américaines actuelles sont importants. Et maintenant c'est Delia et je vais vous présenter mon inspi culturel du mois, qui est un livre que j'ai lu récemment qui s'intitule La fille de Lake Placid. Il a été écrit par Marie Charelle et est publié cette année aux éditions Les Audacieuses. Comme certains l'ont peut-être deviné grâce au titre, ce roman relate la naissance de Lana Del Rey, l'icône poète, qui a grandi justement dans la ville de Lake Placid. L'auteur relate en parallèle l'évolution de l'artiste depuis 2007, et puis même son passage au lycée et au collège qui a été assez difficile, ainsi que sa rencontre avec la chanteuse mythique Joan Baez en 2019, avec qui elle a d'ailleurs fait un concert. J'ai adoré ce livre vraiment qui transcrit parfaitement l'imaginaire que Lana Del Rey se fait de l'Amérique, des États-Unis et de la féminité aussi. Et la force de sa poésie est d'ailleurs vraiment mise en valeur d'une manière remarquable, je trouve. On voit à quel point séduire les foules et se construire un personnage public peut être compliqué, en particulier pour les femmes. Et beaucoup de passages font penser au film de David Lynch dont Lana Del Rey affirme d'ailleurs s'inspirer. Je vous lis un extrait d'un poème qui est au début du roman. Nous sommes comme le rêveur qui rêve et vit ensuite dans le rêve. Nous créons notre monde, puis nous entrons à l'intérieur. Nous vivons dans le monde que nous avons créé. Donc voilà, c'était un petit aperçu de ma recommandation de lecture de novembre. Moi, j'ai eu envie de vous parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps au cinéma. C'est L'amour ouf de Gilles Lellouche. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Jackie et Clotaire, c'est deux ados qui grandissent dans les années 80. Ils sont issus de deux milieux sociaux différents. Elle vient d'une famille aisée et lui d'une famille ouvrière. Alors, vu comme ça, tout semble les séparer et pourtant ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Et en fait, même quand Clotaire va plonger... Enfin, ils vont rester amoureux même quand Clotaire va plonger dans une criminalité assez violente. Il va se mettre à... entrer dans des guerres de gangs, à trafiquer de la drogue, plein de choses comme ça. Ils vont quand même rester amoureux. Ils vont être séparés quand Clotaire va écoper de 12 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Au bout de 12 ans, Clotaire sort de prison. Tous deux sont adultes et Jackie, elle a construit sa vie sans Clotaire. J'en dis pas plus, mais ils vont tout faire pour se retrouver et c'est très très beau. L'amour ouf, c'est un très beau film où les mots ils sont vraiment importants, il y a une très belle histoire d'amour et surtout il y a un casting de folie. Il y a Alain Chabat, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Vanek, vraiment, c'est vraiment un film qui est très bien joué, qui est très bien fait. On retrouve vraiment l'ambiance des années 80 et ça c'est vraiment, vraiment très fort. Bref, je recommande. Avant de passer au débat, Delia va nous passer une chanson qu'elle a choisie. Alors oui, je vais vous passer la chanson Common People du groupe de rock alternatif anglais Pulp. Elle est sortie en 1995 et c'est leur chanson iconique qui appartient à l'album Different Class. Et cette chanson, c'est une critique des plus riches qui veulent jouer à vivre comme les gens ordinaires, les Common People. Et c'est un petit peu comme le phénomène du tourisme de classe qui cache en fait très souvent du mépris. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle est inspirée d'une histoire vraie. C'est-à-dire que le chanteur du groupe Pulp est sorti pendant quelques années avec une mannequin, dont j'ai mangé le nom, je suis désolée. Cette top modèle donc, lui a dit à plusieurs reprises qu'elle aimait être avec lui parce qu'elle cherchait à vivre comme les common people et qu'elle voulait faire l'expérience de ce que les gens simples vivent tout simplement. Et les paroles de la chanson sont très claires, donc jetez-y un œil, et puis c'est encore plus agréable à écouter, donc c'est parti.

Et ben voilà, c'était Common People de Pulp. J'espère que ça vous a plu. Et puis maintenant, on va un peu entrer dans le vif du sujet. On va débattre, ou du moins discuter un petit peu, sur l'impact des écrans sur les jeunes. Et donc déjà, pour commencer, les filles, qu'est-ce que vous pensez des différentes générations et de leur rapport aux écrans ? Parce qu'on s'est centré pour les jeunes pour l'instant, mais on peut aussi élargir un peu pour introduire. Oui, oui, je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier que ça concerne d'abord tout le monde, ce problème, et pas que les jeunes. Bah, d'ailleurs, dans l'interview de Sylvie, elle parle même de sa mère qui commence à avoir une addiction sur les vidéos pour chats. Ça peut paraître drôle comme ça, mais ça se passe, c'est réel, et c'est des gens qu'on connaît, en fait. Ouais, c'est clair. Enfin, vraiment, ça envahit tout le monde, on va dire. Et puis même les enfants. Elisa en a parlé, d'ailleurs. Ça commence vraiment à se voir, même à l'école. Il y a un déclin scolaire de malade, parce que dès 2-3 ans, voire avant, dans certaines familles, les enfants sont collés aux écrans pour les calmer, pour passer le temps. Et en fait, ça développe très mal le cerveau, ça fait prendre des mauvaises habitudes, ça permet pas de développer la concentration des enfants. Et en fait, c'est plein de petits défauts ou de capacités qui n'ont pas été acquises qui vont manquer plus ils vont continuer dans l'éducation. Oui, oui, c'est sûr. Bah, on le voit, il y a énormément d'enfants qui regardent déjà énormément de vidéos, que ce soit sur YouTube ou même sur le format court, qui je pense est encore pire pour les petits-enfants, sous le format de réel sur Instagram ou de TikTok, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis, j'avais vu une étude aussi qui dit que dans les dessins animés en particulier, donc toujours dans le cadre des jeunes enfants, le nombre d'images par minute peut en fait carrément impacter leur concentration et leur analyse de l'image. Parce que, en fait, on est tout le temps en surcharge d'informations, surcharge mentale. En particulier, les dessins animés où les images vont très vite, c'est qu'on voit des centaines d'images qui changent, en fait, à la minute. On peut voir 20, 25 à 30 plans par minute. Et cette surcharge d'informations, en fait, ça permet pas du tout d'apprendre ni à se concentrer, ni à analyser les images, à voir ce qu'il y a, à développer nos connaissances, même de ce qu'on voit, et même pour suivre l'action qui se passe dans le dessin animé. En fait, c'est hyper néfaste pour le cerveau, des choses qui vont trop vite comme ça, surtout pour les plus jeunes. Bah, c'est clair que les écrans, ça a vachement un impact sur la santé. Moi, je le remarque un peu au quotidien. Ça impacte aussi vachement l'humeur, comme l'a dit Elisa, mais aussi le comportement des personnes. On peut être plus agité, surtout quand on est petit. Les écrans, en fait, vraiment, ça agit comme un excitant parce que c'est une stimulation constante. Et du coup, en fait, quand on n'a plus cette stimulation-là, on la recherche et c'est un peu comme une drogue, en fait. Ils l'ont dit, Elisa et Bob. Bob, il a parlé aussi un petit peu des effets sur la santé et de tout ce que, en fait, de ce que cette drogue qui est les écrans nous apporte, en fait. Et c'est vrai que ça peut affecter à la fois notre posture, la manière dont on se tient et notre cerveau. Et c'est fou, en fait, de voir tout ce que ça impacte, en fait, ce simple objet. Oui, oui, c'est sûr. Et puis Bob, il a aussi parlé d'ailleurs d'un truc qui m'a vraiment marqué et que je trouve super intéressant, c'est le papillonnage ou la versatilité du cerveau. Et toujours avec ce même exemple des dessins animés et puis même avec les réels sur Instagram, avec les réseaux sociaux, le contenu qui est en permanence renouvelé. Et puis ça peut s'étendre aussi même aux jeux vidéo et au gaming, en fait, de voir... J'ai pas des exemples très concrets en tête, mais d'avoir plein de fonctionnalités disponibles, de pouvoir faire beaucoup d'actions, ou alors un personnage qui rentre d'un coup, enfin, c'est pareil, le jeu, ça demande beaucoup de concentration parce que c'est renouvelé en permanence et il y a plein d'infos sur l'écran, sur tout type d'écran en fait. Et je trouve que c'est hyper néfaste pour la concentration notamment, parce que je me rends compte qu'il suffit qu'on soit un peu stressé et qu'on ait passé quelques minutes sur notre téléphone. Et après, ça devient hyper dur de prioriser quoi faire. Parce que quand on a, mettons, une dizaine de tâches à réaliser, on ne sait pas par quoi commencer. On fait plein de petites choses sans s'organiser. Et surtout, on n'arrive pas à rester concentré sur une seule et même tâche complexe qui demande une réflexion. Et vraiment de la concentration intellectuelle. Et c'est hyper compliqué de faire ça quand notre cerveau il est formaté un peu par le renouvellement permanent, puisque on peut pas s'opposer carrément à ce qu'on vit tout le temps, et notre cerveau il peut pas penser et fonctionner différemment de ce qu'on lui donne et ce qu'on lui montre. Du coup, voilà. Oui, et je pense aussi que ce qui est dangereux, c'est le temps qu'on y passe, en fait. C'est toutes les choses qu'on pourrait faire, mais qu'on ne fait pas parce que bah, on voit les heures passer. Et voilà, que ce soit par exemple le sport ou même les devoirs, comme l'a dit Benjamin, on perd beaucoup de temps. Oui, c'est sûr. Et je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais genre moi, cette perte de temps, justement, ça génère une sorte de culpabilité. Je me dis, ah purée, j'ai passé tout mon temps à faire ça, au lieu de m'occuper de mes devoirs, m'occuper des projets que j'ai en cours. En plus, j'ai vachement tendance à partir dans plein de trucs en même temps, m'inscrire dans plein de projets. Et du coup, c'est super dommage, quoi. Oui, pareil, vraiment. Oui. La culpabilité des écrans, c'est un sujet. Ouais, c'est ouf. Puis justement, tout ça, c'est lié aussi au système de fonctionnement même des jeux vidéo et surtout des réseaux sociaux. Et plusieurs personnes en ont parlé dans nos interviews. En fait, c'est fait pour qu'on soit le plus longtemps possible dessus. Donc ça génère de la dopamine de manière éphémère, avec des pics, et on veut juste voir plus, continuer et toujours voir plus. Et en fait, on est jamais satisfait de ce qu'on a, parce que c'est des vidéos tellement courtes qu'on veut toujours plus. Ou même c'est quand on est dans un jeu, on veut toujours continuer, on veut toujours voir la suite. Et c'est pas un désir très, très sain, parce que c'est du contenu qui est mauvais pour notre cerveau, voire débile et complètement inintéressant pour les réseaux sociaux. Et puis même les jeux vidéo, ça peut être très intéressant pour découvrir des univers fantastiques, pour être dans l'action et vivre vraiment une histoire. Mais ça reste quand même juste une manette et appuyer sur des boutons. Et ça peut pas être sain de faire ça pendant un temps trop long. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi à cause de l'algorithme, en fait, qu'on veut rester le plus longtemps possible sur son écran. Ouais. D'ailleurs, comme a dit Elisa dans son interview, elle a dit la phrase « l'algorithme nous connaît par cœur ». Et c'est tellement vrai parce que, en fait, l'algorithme, il nous montre que ce que l'on veut voir. Il nous complète dans les idées qu'on a déjà, que ce soit, par exemple, sur un plan politique, on va voir plein de choses que l'on pense déjà, on va se conformer dans ce que l'on pense. Mais ça peut aussi être dangereux. J'ai même entendu récemment aux infos des mères qui voulaient porter plainte contre TikTok parce que leur enfant avait fait une recherche ou avait parlé avec un chatbot sur un sujet comme le suicide ou des choses comme ça. Et en fait, on en reparle et on voit plein de trucs dessus et ça peut se terminer très mal. Ouais, mais c'est clair. Puis même, ça pose un petit peu la question de l'intelligence artificielle et des machines. Parce que le fait qu'on puisse nous proposer un contenu qui nous attire et qui nous plaît en permanence, ou même qui nous plaît que rarement, mettons on aime 2 vidéos sur les 4 qu'on voit, mais comme on en a aimé 2, on continue de scroller, ou comme le jeu a été sympa, 5 minutes, il y a eu un développement qui m'a plu, donc je continue jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît encore. En fait, comme toujours, ça arrive à nous séduire quelque part, ça pose la question un peu de est-ce que nous, les humains, on est aussi prévisibles que ça ? Enfin, ça veut dire que des machines, des algorithmes qui calculent, ils arrivent à influer sur nos actions. Et donc certes, ces algorithmes ont probablement été programmés par des humains, mais il y a quand même une part qui est inquiétante. Ça veut dire que, en fait, c'est que de la probabilité partout. On peut être calculé, on peut savoir à l'avance ce qui va nous plaire, ce qui va pas nous plaire, quel genre de contenu ça peut être. Et, en fait, c'est un peu dément de voir à quel point tous les mécanismes à l'œuvre derrière les écrans sont peut-être plus néfastes en eux-mêmes que juste un écran avec la lumière bleue. Oui, c'est sûr. Et aussi peut-être, on est aussi un peu espionné par notre téléphone, notamment Google. Non, mais... Ah oui, ça fait peur ça. Hein. Oui, voilà. C'est que si on parle d'un sujet, mettons, complètement aléatoire, j'ai fait l'expérience récemment à la maison. Et on a parlé d'un animal, j'ai oublié son nom tellement c'est inconnu, au large de l'Australie. Et 3 jours après, sur le fil d'actualité de Google, et ben tiens, cet animal est en voie de disparition, cet animal patati. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé. Oui, voilà. Donc en fait, notre téléphone, il ne faut pas oublier aussi qu'il nous écoute. Voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'on est si prévisible que ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote qui est un peu un truc de fou. En fait, je discutais avec ma grand-mère et elle m'a parlé d'un sirop, le sirop d'orgeat, un truc qui est plus très connu aujourd'hui, enfin que moi, enfant, je buvais pas du tout, je connaissais même pas. Et en fait, elle m'en a parlé comme ça pendant 5-10 minutes au détour d'une conversation. Et le lendemain, sur mon téléphone, sur Instagram, entre 2 stories, je vois de la pub pour du sirop d'orgeat. Alors que vraiment, c'est le truc le plus aléatoire et hyper improbable de voir sur la page Instagram d'une fille comme moi. Enfin, je regarde des trucs de musique ou alors mes amis. Vraiment, ça va pas plus loin. Donc, une pub pour du sirop d'orgeat, c'était vraiment hyper flippant parce que... En fait, c'est improbable. Mais ouais. En particulier les téléphones, parce que comme Elisa l'a dit, c'est petit, c'est pratique, c'est partout, c'est dans nos poches, c'est avec nous tout le temps. Et en fait, c'est un outil qui peut être hyper, hyper ambivalent, parce que certes, ça permet un accès incroyable à toute une culture et à un savoir infini avec Internet, en fait. Si on veut apprendre quelque chose maintenant avec Internet, j'ai envie de dire, quoi qu'on veuille apprendre, on va pouvoir quelque part avec un accès à Internet. C'est un outil super pratique, le téléphone. Mais d'un autre côté, il y a les réseaux sociaux, les mécanismes d'addiction, que ce soit dans les jeux, sur les réseaux, sur les plateformes de vidéos, enfin partout. C'est fait pour nous happer et c'est fait pour qu'on reste dessus. Et c'est très néfaste pour les humains, pour la santé, la concentration, le développement du cerveau chez les enfants et chez les jeunes. Et en fait, c'est fou de voir à quel point c'est un outil qui pourrait être super pratique et qui vraiment, c'est une innovation incroyable. Mais quelque part, c'est dangereux aussi. On a parlé du coup plein de fois de tous les problèmes du coup, que les écrans soulèvent pour notre santé, pour notre concentration, tout ça. Et du coup, les filles, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup à notre échelle genre pour pallier à ça ? Et ben après, Elisa, elle en a un petit peu parlé. Et j'avoue moi-même que ces mécanismes des réseaux sociaux et puis même les écrans en général, que ce soit aussi Netflix, les plateformes de vidéos, moi, ça marche très bien sur moi, comme sur un peu tout le monde. Je pense que j'y passe parfois plusieurs heures, enfin, pas toujours, mais ça marche très bien pour gâcher mon temps et m'appâter dessus. Mais il existe... plein d'applications, puis même dans les téléphones, des limitations de temps d'écran. Et donc, en fait, tu peux bloquer l'application au bout d'un certain temps. Après, c'est sûr qu'il y en a plein où tu peux rajouter du temps. Oui, voilà. On les connaît. Hein. Mais après, j'ai réussi à trouver des applications, justement, qui bloquent littéralement ton téléphone ou les choses que tu ne peux pas ouvrir. Et pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tu ne peux pas ouvrir l'application, genre littéralement pas. Donc, évidemment, ça pose problème quand les applications que tu utilises pour te divertir, c'est aussi des applications de communication. Oui. C'est le cas, par exemple, avec TikTok, Instagram, Snapchat, pardon, un peu tout, en fait. C'est que tu ne veux pas passer du temps dessus parce qu'il y a une immensité de contenu inutile et qui te fait perdre ton temps. Mais d'un autre côté, tes amis communiquent avec toi sur ces mêmes plateformes. Et donc, te couper de la plateforme, ça te coupe pas uniquement du mauvais contenu, mais ça te coupe aussi de tes amis et des relations sociales potentielles qu'il pourrait y avoir. Du coup, c'est sûr que même limiter ton temps sur ces plateformes, c'est compliqué en soi parce que tu mets aussi des limites à ta communication avec tes amis qui n'est pas forcément en soi une perte de temps. C'est vicieux, en fait, comme système. Genre. Ouais, c'est clair. Mais après, sinon, Bob aussi parlait de... Il est prof, donc, à l'université. Et il parlait d'installer des pochettes à téléphone à l'entrée des classes. Et ça, je pense que ça pourrait... Enfin, bon, ça paraît un peu infantile, mais ça pourrait être super bien parce que je vois plein de gens en classe. Je suis en terminale pour information, hein, qui sont vraiment sur leur téléphone pendant le cours ou qui le sortent toutes les 5 minutes pour soi-disant regarder l'heure. D'ailleurs, des gens sont incapables de lire, enfin des jeunes sont incapables de lire les pendules et les horloges et ils peuvent lire l'heure que sur leur téléphone. C'est un truc de fou, voilà. Oui, petite parenthèse. Rien que ce matin en philo, il y avait un mec de ma classe qui pendant 2 heures n'a fait que jouer aux jeux vidéo. C'est un truc de fou. Mais ouais, c'est ouf. Et puis en particulier au cinéma aussi, parce qu'en cours, je peux comprendre qu'on ne soit pas intéressé par ce que le prof nous dit. Parce que concrètement, c'est notre devoir d'élève de bosser et d'écouter. Et puis même le respect pour la personne qui parle veut qu'on l'écoute. Mais je peux comprendre que ça n'intéresse pas. Après, c'est pas une raison pour dégainer son téléphone. Ça montre à quel point on est esclave des outils qu'on a avec nous. Mais en particulier dans les salles de cinéma, où là, vraiment, les gens y vont volontairement. Les gens payent pour aller voir le film et aller dans la salle de cinéma. Et là encore, à l'intérieur du cinéma, il y a souvent des jeunes en particulier, parce que je suis désolée, c'est vraiment les jeunes qui ont ce comportement bien plus que les adultes ou encore les personnes âgées. C'est de sortir leur téléphone à tout moment pour vérifier l'heure, vérifier s'ils ont des messages, s'il y a une nouvelle information qui est tombée, quoi que ce soit, et parfois même passer plusieurs minutes sur leur téléphone pendant le film. Et déjà, ça gêne toutes les personnes autour parce que ça fait de la lumière et tout. Puis surtout, c'est de se dire, ils ont un niveau de concentration qui a été tellement faible et qui n'a pas du tout été développé correctement. Et ils n'arrivent même pas à se concentrer pendant 2 heures sur un film qu'ils sont allés voir volontairement, qui est censé leur plaire. Oui, et notamment, il y a beaucoup de gens en fait, qui perdent l'habitude de regarder des contenus qui durent trop longtemps. Je connais plein de gens pour qui un film, aujourd'hui, c'est trop compliqué de regarder pendant 2 heures la même chose, de regarder un film. Et ça, c'est notamment dû aux courtes vidéos, à ce que tu disais sur les 50 images par minute, par exemple. C'est la même chose. Oui, au réel, au TikTok, c'est à cause de ça en partie. Et peut-être aussi par l'habitude qu'on a pris de regarder des séries. Carrément, parce que c'est un format qui est beaucoup plus court que les films, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une habitude. Ouais, et puis même le film en soi, il y a un scénario et une idée en général assez complexe, à part, enfin, dans la majorité des films, une idée assez complexe qui est développée dans le fond, et il y a une histoire qui se déroule, des personnages, des lieux à reconnaître, et une intrigue à comprendre et à suivre. Et il y a parfois des films super compliqués à comprendre, je pense à Christopher Nolan avec Tenet, Inception, c'est quand même un peu plus abordable, et puis il y a probablement plein d'autres films que je connais pas, qui sont un peu moins grand public quand même, et qui sont très complexes à comprendre, qui parlent même des documentaires, qui parlent d'enjeux réels et concrets, les situations politiques dans le monde actuellement. C'est sûr que des films de cette complexité sont impossibles à comprendre si on n'arrive déjà même pas à se concentrer sur un contenu pendant 1h30, 2h, voire plus. Donc... ouais, c'est complètement fou, parce que si on n'arrive pas à se concentrer sur une longue durée tout court, ça veut dire que même sur une courte durée, un sujet complexe est beaucoup plus dur à comprendre, parce qu'il faut une concentration très intense pour comprendre un sujet complexe sur le moment, même si c'est véhiculé par un contenu assez court. Du coup, vraiment, je trouve que c'est vraiment super dommage que les écrans aient cet impact, puis même la télévision... En général, ça a un peu le même effet, mais quand même un peu moins, puisque il y a une grande part, hormis la télé-réalité, bien sûr, je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais pour moi, inutile, il y a quand même une grande part d'informations à la télévision et qu'il n'y a pas forcément sur les réseaux sociaux, parce qu'on regarde ce qu'on a envie de regarder, en fait. Et surtout, il y a aussi, je parle d'un dernier truc, je suis désolée, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène de bulle, sur les réseaux sociaux, et en fait ça revient à ce qu'on a dit sur les algorithmes, c'est qu'on est enfermé dans le contenu qui nous plaît, parce que l'algorithme va nous proposer les choses qui nous intéressent, les choses qui nous plaisent, qu'on trouve cool, et pour être sûr qu'on reste sur l'application et qu'on soit vraiment happé par la plateforme et l'algorithme. Mais du coup, c'est hyper néfaste parce que ça ne nous ouvre jamais à d'autres informations. Par exemple, si on ne s'intéresse pas à l'actualité ou à la politique sur les réseaux sociaux, jamais on verra une publication ou quoi que ce soit là-dessus. Et en fait, toutes ces plateformes, et puis même les jeux vidéo, puisqu'on joue toujours à la même chose, ça nous enferme totalement dans notre façon de penser, et on ne se confronte jamais à la façon de penser des autres et à du contenu différent, a du contenu plus complexe ou sur un thème plus poussé. Donc voilà, ça nous enferme aussi dans cette sorte de bulle. Et en fait, ça nous enferme sur nous-mêmes et on ne peut pas s'ouvrir au monde. D'accord. Vous voulez rajouter encore quelque chose ou pas, les filles? Pour moi, c'est bon. D'accord. Donc, c'est la fin de notre émission. On espère que ça vous aura plu et qu'on aura tous pu réaliser peut-être mieux encore l'impact considérable des écrans sur nos vies. En tout cas, on vous fait confiance pour sortir le plus possible, pour voir vos proches et ne jamais laisser les écrans vous enfermer. On se retrouve le mois prochain dans une nouvelle émission et on vous fait des bisous. Bisous, bisous, bisous. Big bisous. Take me in your fast car, Mercedes. Kissing on your neck while you drive, he doesn't care, I'm always on my BlackBerry. All the time, buying into every line. I'm a flashy little rush, but he thinks I'm really fine. James Dean and the It Girls. Locus is just like Marilyn. We're children of the Bad Revolution. Children of the Bad Revolution.